إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلكم من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحبتي الكرام، نستأنف في هذه الليلة المباركة رسالة للشهيد بإذن الله سلطان بن بجاد العتيبي رحمة الله عليه. هذه الرسالة التي كتبها، وهي رسالة إلى طالب العلم. Donc, بإذن الله, nous allons commencer à expliquer une lettre de Cheikh Sultan ibn Bajjad al-Utaybi, dont le titre est Une lettre au demandeur de science. Une lettre au demandeur de science. Donc, c'est une lettre que j'ai prise et que يعني تكلمت فيها بتصرف ونصحا لإخواني وتذكرة لي أولا. Donc c'est une lettre en fait que j'ai trouvée à mes yeux très importante pour les demandeurs de sciences. Et c'est un conseil, c'est des conseils, تذكرة, un rappel pour moi tout d'abord ainsi qu'à mes frères. Donc il a commencé. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة أوجهها إلى أخي طالب العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، يا طالب العلم، هذه كلمات ووصايا كتبتها تذكرا ونصحا لك. أسأل الله عز وجل أن تصلك رسالتي وأنت في أتم نعمة وعافية وصحة. Donc après une introduction qu'il a faite, il dit premièrement, ô demandeur de science, ces paroles et conseils que j'écris sont un rappel et un conseil pour toi. J'implore Allah que tu reçoives ce message en ayant la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et en étant dans un bien-être et dans une bonne santé. Deuxièmement, ô demandeur de science, aie l'intention, quand tu demandes la science, d'enlever l'ignorance qu'il y a en toi, puis d'enlever l'ignorance qu'il y a en toi pour que tu adores Allah avec clairvoyance et pour que tu enlèves l'ignorance qu'il y a dans la Ummah, pour que tu leur apprennes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, thalithan, يا طالب العلم اعلم أن حفظ كتاب الله عز وجل أجر وفضل وغنيمة، ولكن العمل بكتاب الله فرض وواجب متهم ولكن العمل بكتاب الله فرض وواجب متحتم عليك، فإنا نرى أقواما في هذا الزمان جعلوا حفظه فرض والعمل به فضل، فاحذر من هذا، فإن هؤلاء قد عطلوا كثيرا من النصوص وأذكرك بقول الصحابي رضي الله عنه الذي قال: كنا نتعلم 10 آيات من القرآن لا نتجاوزها حتى نفقهها ونعمل بها، فلله ضر أولئك. Ensuite il dit, troisièmement, sache que l'apprentissage du livre d'Allah est un mérite et ajr et une récompense. Wa ghanima, c'est une richesse. Mais dis-toi que œuvrer avec le livre d'Allah est sans doute, et dis-toi que œuvrer avec le livre d'Allah est sans doute une obligation. On voit des gens dans ce temps-là ont rendu son apprentissage une obligation et le fait d'œuvrer avec un mérite. Donc fais très attention à cela. La plupart d'entre eux ont délaissé beaucoup de nos sources, c'est-à-dire des preuves. Et je te rappelle la parole du sahabi qui dit, وهذا يعني هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي يقول كنا إذا حفظنا 10 آيات. Je te rappelle la parole du sahabi qui dit, on apprenait 10 versets du livre d'Allah, Azza wa Jal. On ne les dépassait pas jusqu'à qu'on sache leur compréhension et qu'on œuvre avec. 10 versets. Ils ne dépassaient pas 10 versets du Coran jusqu'à ce qu'ils comprennent leur compréhension. Ensuite, ils œuvrent avec. Rabi'an, ya talib al-ilm, iyyaka thumma iyyaka min al-taqlid, fa'innahu da'un udal. وعليك بكتاب الله والسنة على فهم السلف الصالح وإن رفضك الناس. Ensuite il dit, quatrièmement, attention, puis attention et méfie-toi à l'imitation, car c'est une maladie incurable. فإنه داء عضال. Et suis le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam selon la bonne compréhension des pieux prédécesseurs, même si les gens te refusent. وَإِنْ رَفَدَكَ النَّاسِ. قال الشافعي رحمه الله أجمع العلماء سلفا وخلفا أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يتركها لقول أحد. الشافعي رحمه الله il a dit, il y a unanimité des savants d'avant et d'aujourd'hui que celui à qui on a montré, à qui on a appris la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas le droit de la délaisser pour le dire de quiconque. Khamisan, ya talib al-ilm, ihdar taqdis al-rijal wa ta'zimihim, waj'al ta'zima kitab Allah wa sunnata nabihi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, muqaddama ala kulli ahad, kainan man kan, wa la tahtam bil asma'i wa la bil musammayat. Ensuite il dit, méfie-toi au fait de glorifier les gens et les rendre grands. Waj'al kitab Allah et rend le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam grande et glorifie-les sur toutes choses. Wa la tahtam bil asma'i wa la bil musammayat. Et ne te fie pas au nom ni aux appellations. سادسا يا طالب العلم احذر العجب بالنفس والغرور فإنه مهلكة الصالحين. Ensuite sixièmement, méfie-toi à l'émerveillement du nefs, à la fierté et à l'arrogance, car cela est mortel pour les pieux. فإنه مهلكة الصالحين. سابعا يا طالب العلم اعلم أن أهم المهمات وأوجب الواجبات هو التوحيد، فاجعل جل اهتمامك به، تعلمه علما وعملا ودعوة، فإن قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم كان جل دعوته. سابعا aux demandeurs de science, sache que la tâche la plus importante et le plus grand devoir est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rends le maximum d'intérêt dans l'unicité d'Allah. Apprends la science, œuvre et invite les gens par la da'wa, car le tawhid était l'essentiel pour ton modèle Muhammad alayhi salatu wa salam. ثامنا يا طالب العلم إن ساحات الجهاد تفتقدك ومعسكرات التدريب تبحث عنك فأين أنت من نصرة المستضعفين. Huitièmement, ô demandeur de science, les camps du jihad te comptent parmi les absents et les camps d'entraînement te cherchent donc. Tu es où pour secourir l'opprimé? أين أنت من نصرة المستضعفين. تاسعا يا طالب العلم إن من حولك يرونك قدوة لهم فلا يكن جلوسك تثبيطا لهم. Neuvièmement, ô demandeur de science, ceux qui sont autour de toi te voient comme un guide pour eux. Que le fait de rester assis ne les pousse pas à faire pareil. Ne les pousse pas à faire pareil. عاشرًا يا طالب العلم احذر أن تعتذر بأعذار لم تقبل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكن صريحا فإن الله مطلع عليك ويعلم السرائر. Dixièmement, ô demandeur de science, ne te trouve pas des excuses qui n'ont pas été acceptées de la part des Sahaba de Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et sois honnête, sincère. فكن صريحا. Car Allah te voit et voit ce qu'il y a dans ton intérieur. وَيَعْلَمُ السَّرَائِرِ. Et il sait ce qu'il y a au fond des cœurs. حادي عشر يا طالب العلم أين أنت من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Donc Allah Azza wa Jal a dit dans sourate Tauba, verset 38-39: Ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsque l'on vous dit: élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesanti sur la terre, la vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparées à l'au-delà. وقال سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc Allah Azza wa Jal, dans surat Tawba verset 41, il a dit: léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. ثاني عشر يا طالب العلم اعلم أن الشجاعة لها دور عظيم لمن علم العلم فكن شجاعا صادعا بالحق لا تداهن أحدا واعلم حفظك الله تعالى من كل مكروه أن مجرد كتمان الحق والسكوت عليه متوعد صاحبه عند الله بل حكم عليه باللعنة ولا حول ولا قوة إلا بالله فكيف بمن قال بالباطل. وأذكرك بقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Deuxièmement, ô demandeur de science, sache que le courage a un rôle très grand pour celui qui apprend la science et qui œuvre. فكن شجاعا, sois courageux, صادعا بالحق, dis la vérité là où que tu sois et ne sois pas doux envers quiconque. حفظك الله تعالى من كل مكروه, qu'Allah te préserve de tout mal. Et مجرد كتمان الحق, le fait de cacher la vérité et ne pas le divulguer aux gens, Allah Azza wa Jal a préparé un châtiment pour ce dernier. بل حكم عليه باللعنة. Et bien au contraire, الله عز وجل Allah Azza wa Jal a prédit pour lui une malédiction. Wala hawla wala quwwata illa billah. Fa kayfa biman qala bil batil? Qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui disent le faux, qui prêchent le faux? Qu'est-ce qu'on dirait d'eux? Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Imran, verset 87, et lorsque Allah a pris de ceux auxquels le livre était donné cet engagement, exposez-le aux gens et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et ils l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce on fait. وَلَقَدْ رَأَيْنَا أَقْوَامًا رَزَقَهُمُ اللَّهُ عِلْمًا وَحِفْظًا وَيُشَارُ لَهُمْ بِالْبَنَانِ قَدْ أَصَابَهُمُ الْجُبْنُ وَالْخَوْرُ وَالْخَوْفُ فَمَا فَائِدَةُ الْعِلْمِ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ وَقَدْ ضَلُّوا أُنَاسًا كَثِيرًا وَصَدَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَمَا قَالَ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ مُضِلِّينَ. Ensuite, le cheikh il dit, nous avons vu des personnes vivantes. Nous avons vu des personnes vivantes. Allah leur a donné une science et un apprentissage. En fait, c'est des gens connus et qui ont eu une notoriété. Ils sont très connus. Ils avaient une peur. Une peur. Une faiblesse. فما فائدة العلم إن لم يعمل به؟ À quoi sert la science si on n'œuvre pas? وقد ضلوا أناسا كثيرا. Et donc il dit, s'il n'y a pas de pratique, pourquoi on a ce savoir? Et ces gens-là, ils ont égaré beaucoup de gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, la chose que je crains le plus pour vous, des imams égarés. La chose que je crains le plus pour vous, des imams égarés, à immatun modellin, égaré, modellin, la chose que je crains le plus pour vous, c'est des imams égareurs. ثالث عشر يا طالب العلم أقولها لك باختصار إن اقتديت بنبيك عليه الصلاة والسلام في كل شيء وصدعت وبينت فسوف تبتلى والابتلاء على قدر الإيمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Treizièmement, je te le dis en bref, si tu suis la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, sans doute, si tu suis la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام dans toutes les choses et que tu éclaircis les choses aux gens, tu seras sans doute éprouvé selon ton degré de foi, comme il l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et comme il l'a dit Allah Azza wa Jal dans son livre. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire on croit sans les éprouver? أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يَقُولُ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اعْلَمْ وَقْتَهَا أَنَّهُ سَوْفَ يُحَذَّرْ مِنْكَ مِنْ قِبَلِ طُلَّابِ الْعِلْمِ الْآخَرِينَ ومن قبل أحبار والرهبان حكومات وسوف تهجر وسوف تلمز وتغمز وسوف يقال لك أنك من الخوارج وغيره من الكلام الذي يقال اليوم لدعاة التوحيد المضطهدين فاصبر إنما العسر يسرا. Ensuite il dit, et sache qu'à ce moment-là on mettra en garde contre toi de la part des demandeurs de science, طلاب العلم, et les autres, et de la part des rabbins et moines du gouvernement, Ahbar wa Ruhban, Al-Hukumat, de la part des rabbins et moines du gouvernement. Et on te délaissera, Al-Hajr, on t'abandonnera, et on te fera des sous-entendus, Al-Hamz wa Al-Hamz, et on te dénigrera, et on te dira, tu fais partie des Khawarij, et d'autres paroles qu'on entend aujourd'hui sur les prédicateurs du Tawhid pour chasser. رابع عشر يا طالب العلم احذر دعاة التعايش مع الكفار احذر أولئك المخذولين المنهزمين أمام أعداء الله احذرهم ولا تغتر Voilà, Tartarbihim. Quatorzièmement, aux demandeurs de science, méfie-toi des prédicateurs, entre parenthèses, bisounours, qui appellent à une coexistence avec les koufars, qui appellent à une alliance avec les koufars. Et ils disent, c'est une religion de tasamouh, qu'il n'y a pas de problème à cela, comme si al-wala ou al-bara n'existait pas chez eux. Méfie-toi de ces faibles d'esprit devant les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fais attention à ne pas être trompé, à ne pas être trompé à l'embellissement de leurs paroles lors des vidéos et lors des prêches. Quinzièmement, Ya talib al-ilm, adim al-nazara fi kitab rabbina wa fi sunnati nabiyina alayhi salatu wa salam, wa ta'ammalha jayidan fa inna fiha khayrun kathir. Quinzièmement, ô demandeur de science, continue et lis le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa salam et médite-les car elles comportent en eux un grand bien. Anna fihima khayran kathira. Sadis achar, ya talib al-ilm, liyakun laka waqt takhlu fihi ma'a rabbika wa taqra kalamahu wa tunajihi wa tatadarra ilayhi. فإن الدعاء من أعظم العبادات كما صح عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. Ô demandeur de science, 16e, ô demandeur de science, laisse-toi dans le temps libre un moment avec Allah Azza wa Jal. Laisse-toi dans ton temps libre un moment avec Allah Azza wa Jal et lis ses paroles subhanahu wa ta'ala et médite-les et supplie-toi à lui subhanahu car l'invocation est l'une des grandes adorations comme le prophète alayhi salatu wassalam il a dit dans le hadith ad-du'a huwa al-ibadah, l'invocation est le culte, l'invocation est l'adoration. Sabi'a achar, يا طالب العلم احذر علماء السوء واحذر مجالستهم وحلقاتهم فإنهم أهل سوء وضلال لبسوا على المسلمين دينهم وضللوا على الشعوب وشاركوا الحكام في بيع أراضي المسلمين ومقدساتهم فها هي القدس منذ أكثر من 50 عاما في أيدي اليهود ماذا عمل علماء السلاطين تلك الهيئات التي تسمى بهيئة كبار العلماء وباللجنة الدائمة من وضعها ومن اختارهم ومن رشحهم إنهم الحكام الخائنين. 17e, ô demandeur de science, méfie-toi. Méfie-toi des mauvais savants, les savants d'égarement, ulama ussu, fais attention à leur assise. Ils ont égaré les musulmans et ils ont trompé les peuples. Ils ont été impliqués avec les dirigeants dans la vente des terres musulmanes et leurs lieux saints. Voici Al-Quds. Voici Al-Quds pendant plus. Voici Al-Quds pendant plus de 50 années dans les mains des juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces savants du sultan, ces organismes qui sont appelés la grande autorité scientifique, Hayat Kibar al-Ulama, la grande autorité scientifique et le comité permanent, Al-Lajna al-Da'ima, qui l'a instauré, qui les a choisis, qui les a nommés, ce sont les dirigeants traîtres. وأخيراً أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات قارئها وأن يجعل لها القبول في الأرض وأسأله سبحانه أن يرزقك البصيرة والعمل بها وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن يقول كلمة الحق. Et enfin, je demande à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, qu'il te donne et qu'il donne profit de ces quelques mots au lecteur et qu'il fasse don sur terre par l'acceptation Et je demande à Allah Azzawajal de te donner clairvoyance et science et sa mise en pratique et qui te donne la bénédiction où que tu sois et qui te fasse dire la parole du haqq là où que tu sois. وفي الختام أسأل الله سبحانه الشهادة في سبيله يرضى بها عنا. Et pour finir, je demande à Allah la shahada dans son sentier et qu'il soit satisfait de nous. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.